Je t'avais reconnu sans savoir ton nom. Quand tu m'as demandé le plan du quartier, les enfants qui jouaient dans l'allée du pont, tout près de la cité, on s'était regardé la première fois. Je me suis retourné sans tu t'apercevoir. Tu portais une robe aux couleurs d'été. Je me souviens. Si parfois je souriais, c'est de l'amour que j'ai eu dans le cœur, ou simplement de la chaleur du jour, sans même y croire au parfum du bonheur. Marchais comme une enfant sur le trottoir s'en allant à l'école. Je me disais qu'elle est belle, qu'elle est là pour quelque chose. Je t'avais reconnu sans savoir ton nom. Au coin de la ruelle, tu es descendu. Tu marchais lentement en cherchant ta rue. Le quartier des bas menus, tu tenais dans les mains la dernière revue de la femme à la mode qui paraissait nue. Je te suivais des yeux, tu ne m'as pas vu, je me souviens. Si parfois je souriais, c'est de l'amour que j'ai eu dans le cœur, ou simplement de la chaleur du jour, sans même y croire au parfum du bonheur. Tu marchais comme une enfant sur le trottoir s'en allant à l'école. Je me disais qu'elle est belle, qu'elle est là pour quelque chose. Je souriais, c'est de l'amour que j'ai eu dans le cœur, ou simplement de la chaleur du jour, sans même y croire au parfum du bonheur. Tu marchais comme une enfant sur le trottoir s'en allant à l'école. Je me disais qu'elle est belle, qu'elle est là pour quelque chose.